Dans la famille des trous noirs, nous avons les trous noirs de masse stellaire de quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Ils sont le produit de l'effondrement d'une étoile en fin de vie. Nous avons les trous noirs supermassifs de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de fois la masse du Soleil. Ils sont au centre des galaxies. Et puis entre les deux, il y a une population étrange, hypothétique, dont on ne sait pas encore grand-chose, les trous noirs intermédiaires. C'est l'un de ces trous noirs qui a été détecté et dont l'annonce a été faite au début du mois de septembre. Que sont-ils ? Qui sont-ils ? Et quels sont leurs réseaux ? Trou noir intermédiaire, ni trop petit, ni trop gros, c'est le programme stellaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans l'état de scientifique. Et pour tout savoir sur ces trous noirs encore qualifiés d'exotiques, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Astrid Lamberts. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche à l'Observatoire Nice Côte d'Azur et membre de la collaboration Virgo et Nathalie Webb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Mais pour commencer, pour que l'actualité scientifique la plus brûlante ne disparaisse pas dans un trou noir, décidément c'est LOL aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha Friot pour le Journal des Sciences. Une étude parue hier dans Nature Astronomy apporte de nouvelles preuves. Il y aurait des zones humides sous la surface de Mars. Oui, cette étude fait suite à une première étude de 2018 qui avait découvert des zones humides sous la calotte polaire sud de Mars. La même équipe italienne a refait des analyses avec plus d'une centaine de données radar de la sonde Marsis. Alors, non seulement cela confirme les premières détections, mais en plus, les chercheurs ont découvert trois nouvelles zones humides dans les alentours. L'étendue du plan d'eau principal fait environ 30 km de diamètre. Le radar Marsis envoie des ondes radar dans la glace, et quand elles vont atteindre une surface, comme des roches ou de l'eau, ces ondes vont être réfléchies différemment. Pour le moment, on ne sait pas encore si ce sont précisément des lacs, on parle plutôt de zones humides. Caroline Fressinet est chercheuse CNRS au laboratoire Latmos à Guyancourt. L'analyse nouvelle qui a été faite, elle est basée sur des analyses des calottes polaires terrestres. C'est les mêmes traitements du signal qui ont été faits pour découvrir des lacs hypersalins dans l'Arctique canadien. Donc on s'est basé sur des données martiennes en appliquant des traitements de données terrestres pour découvrir ces nouveaux lacs sous la calotte polaire martienne. Je ne sais pas s'il faut employer le mot lac parce qu'il est employé dans les termes journalistiques, mais on parle vraiment de zones humides. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Il ne s'agit probablement pas d'eau uniquement parce qu'à cette température, dans les conditions martiennes, l'eau ne peut pas résister sous forme liquide. Donc il s'agirait de saumures, donc d'eau hypersaline. On ne peut pas déterminer la profondeur du lac. Mais cette solution hypersaline, c'est pas une très bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent de trouver des traces de vie sur la planète Mars. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, dans le sens où effectivement, là si on parle de saumures salines qui atteindraient peut-être 20 fois la salinité de nos océans terrestres, la vie dans ces conditions, c'est quand même difficile à l'imaginer. Même si on parle d'extrémophiles et même si on peut imaginer des formes de vie telles qu'on ne les connaît pas sur Terre, c'est quand même des conditions qui sont particulièrement difficiles, même pour que la chimie puisse se développer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît de mieux en mieux Mars. On découvre de nouvelles choses sur Mars. Ces zones liquides, elles pourraient être finalement assez ubiquitaires. Il faut juste que les conditions de surface soient favorables pour permettre leur détection, ce qui est le cas à cet endroit précis. Mais on pourrait très bien imaginer d'autres zones humides en sous-surface, soit glaciaires, soit même à d'autres latitudes martiennes, mais qui ont des conditions qui sont plus difficiles pour permettre leur détection. Voilà cette étude vers la revue Nature Astronomy, nous vous en avons mis le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc et que vous pourrez retrouver sur la page de l'émission sur le site de France Culture, franceculture.fr. On passe au bref. La rédaction de la revue Science et Vie est en grève illimitée depuis hier. Oui, l'année dernière, ce mensuel s'est fait racheter par le groupe de presse Reworld Media et a perdu environ un tiers de ses journalistes lors du rachat. Hier, Hervé Poirier, le directeur de la rédaction, a annoncé son départ. Il n'avait pas obtenu gain de cause auprès de l'actionnaire quant aux demandes de la rédaction, à savoir des embauches supplémentaires et surtout la garantie d'une indépendance éditoriale. Depuis septembre, la rédaction découvre que des articles sont publiés sur le site web sans son accord ni son aval. Après l'annonce du départ d'Hervé Poirier, une AG a été organisée et la grève a été votée à l'unanimité. Les revendications des salariés restent les mêmes. Selon une étude parue dans Science Advances, des micro-robots peuvent reconstruire les connexions entre les neurones. Et des chercheurs sud-coréens ont créé des micro-robots rectangulaires de 300 micromètres de long et de 95 micromètres de large à partir d'un polymère recouvert de nickel et de titane. À partir de cellules nerveuses d'Aura, ils ont d'abord développé deux réseaux de neurones sur deux plaques de verre séparées. Guidé par un champ magnétique, le micro-robot a ensuite servi de patch ou de pont cellulaire entre les deux réseaux. Les cellules nerveuses se sont ensuite développées de chaque extrémité du micro-robot vers les autres grappes neuronales. Les auteurs pensent que cette innovation pourrait être utile en informatique ou pour réparer les connexions entre les cellules neuronales lorsqu'elles sont endommagées. Et enfin, dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, les astronautes ont découvert de la vapeur d'eau salée autour d'une paire d'étoiles massives. Et des bébés étoiles emmaillotées dans de la vapeur d'eau salée. Ce système d'étoiles binaires de 25 fois la masse de notre Soleil est situé à 9500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Scorpion. Le télescope ALMA a détecté dans le disque qui les entoure des molécules de cyanure de méthyle, du chlorure de sodium et de la vapeur d'eau chaude. Alors le chlorure de sodium, autrement dit, c'est du sel de table. Ce n'est que la seconde fois que l'on en détecte dans l'univers. Cette équipe japonaise espère que d'autres observations fourniront plus d'informations sur les secrets de la naissance des systèmes binaires massifs. Merci beaucoup Natacha. Demain pour le prochain Journal des Sciences, on va rester dans l'espace tout au long de cette heure pour parler de cette annonce suite à une observation effectuée le 21 mai 2019. Les interféromètres LIGO et Virgo captent un signal, une vague d'ondes gravitationnelles très particulière, des ondes qui correspondent à la coalescence de deux trous noirs. Jusque-là, vous me direz rien que de très classique, si ce n'est bien la masse de ces deux trous noirs, détectée à plus de 17 milliards d'années-lumière, 65 et 85 masses solaires, ce qui est assez gros, mais le tout formant un trou noir d'une masse de 142 fois celle du Soleil, ce qui est pour le coup du jamais observé, du jamais vu. C'est la confirmation donc de l'existence de ces trous noirs intermédiaires, des trous noirs encore très mystérieux, dont la cosmologie n'indique pas clairement ni ce qu'ils sont, ni comment ils ont pu se former, ni quelle est leur relation avec les deux autres populations de trous noirs que l'on connaît, les trous noirs stellaires d'une part et les trous noirs supermassifs d'autre part. Le tout donc grâce aux ondes gravitationnelles. Vous allez rater les épisodes précédents. On se rafraîchit la mémoire avec notre archive du jour. Alors, je me souviens très bien, le 14 septembre, c'était un lundi. Nous avons mesuré pour la première fois sur Terre une déformation de l'espace. On a observé qu'un bras de l'interféromètre se raccourcissait, se rallongeait périodiquement. Et on a eu l'info par email qu'il y avait un signal qui était peut-être intéressant. Et il y a eu d'abord une phase un peu de « Ah, tiens, c'est nouveau, une injection, on regarde, on teste l'instrument. » Et très vite, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus sérieux et l'enthousiasme est très vite monté. Ce signal historique a été détecté indépendamment par les deux instruments de l'observatoire LIGO aux États-Unis. C'est la première observation directe d'ondes gravitationnelles prédite il y a 100 ans par Einstein. Ces ondes, furtives, qui déforment l'espace-temps lors de leur passage, sont produites notamment par les événements les plus violents de l'univers, dans ce cas-ci, la fusion de deux trous noirs. Donc il faut imaginer ces deux mastodontes qui pèsent chacun plus de 30 fois notre Soleil, qui tournent l'un autour de l'autre 75 fois par seconde, alors qu'ils sont séparés de quelques centaines de kilomètres et qu'ils ont une vitesse qui commence à approcher celle de la lumière. Donc l'espace-temps autour est tout chamboulé et ce sont ces perturbations qui ont voyagé pendant plus d'un milliard d'années jusqu'à traverser la Terre le 14 septembre vers 10 heures. Voilà, 14 septembre 2015, c'était il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, la détection des premières ondes gravitationnelles de l'histoire de l'humanité. Depuis, on en a détecté beaucoup, correspondant à différents types d'événements, coalescence de deux trous noirs, coalescence d'étoiles à neutrons. Quelle est la particularité des ondes gravitationnelles que l'on a détectées le 21 mai 2019 et qui correspondent donc à la signature de ce qui est en train ou va devenir ou est devenu un trou noir intermédiaire, Astrid Lambertz? Alors, le signal que nous avons observé donc est issu de la coalescence d'un trou noir de 85 masses solaires d'un côté et 65 masses solaires de l'autre. Donc déjà, ça, c'est des trous noirs dont on ne prévoyait pas nécessairement l'existence et qui sont difficiles à expliquer. Donc c'est la première surprise. La deuxième chose, c'est le reste de cette fusion qui lui fait 142 masses solaires, ce qui le place donc dans la catégorie de trous noirs de masse intermédiaire, qui sont donc plus gros que 100 fois la masse du Soleil. Et c'est une des premières détections fermes de ce genre d'objet. Donc c'est exceptionnel dans ce sens-là. Première détection ferme, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres hypothèses, ou en tout cas d'autres candidats trous noirs intermédiaires. Mais effectivement, cette fois-ci, grâce aux ondes gravitationnelles, c'est a priori indiscutable. Nathalie Webb, un mot justement sur la nature de ce signal par rapport aux autres ondes gravitationnelles que l'on commence maintenant à avoir l'habitude de détecter et qui correspondent à quel type de fusion et à quel type de trou noir? L'événement du 21 mai 2019, c'est vraiment exceptionnel avec la masse de ces deux trous noirs qui ont coalescé là. Il faut savoir que le signal était vraiment très court, seulement un dixième de seconde, ce qui le rend assez difficile à détecter et aussi de comprendre la nature de ces objets qui ont été à l'origine du signal. Je le disais tout à l'heure, ça correspond à un événement qui s'est produit il y a 7 milliards d'années, qui se situe à 17 milliards d'années-lumière. Alors c'est effectivement assez vertigineux. Peut-être un mot juste à Astrid Lambertz là-dessus. Comment est-ce qu'on peut avoir un événement qui se situe à 17 milliards d'années-lumière de nous, alors que la date, l'âge de l'univers est de moins de 14 milliards d'années. Pardon, excuse-moi. Alors c'est effectivement une subtilité qui peut perturber et qui perturbe même des astronomes professionnels assez régulièrement. C'est tout simplement lié à notre univers qui était en expansion. Et donc les distances étaient plus courtes il y a 7 milliards d'années, mais depuis, l'univers a grandi. Et donc c'est ce qui explique la distance à laquelle on le perçoit maintenant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons tout au long de cette heure de GW190521 pour Gravitational Wave 190521, c'est-à-dire le 21 mai 2019, c'est la date et donc c'est le nom de ces ondes gravitationnelles, de cet objet qui y correspond, c'est-à-dire un trou noir intermédiaire. Nous en parlons avec Astrid Lambertz et Nathalie Webb. Peut-être que c'est intéressant pour commencer, pour comprendre ce que ça a de particulier que cette observation de trou noir intermédiaire, de rappeler ce qu'on connaît aujourd'hui dans le bestiaire classique des trous noirs, Astrid Lambertz. Quels sont les trous noirs, quels sont les objets que l'on a observés, que l'on connaît et qui sont aujourd'hui des objets, on va mettre beaucoup de guillemets autour de ça, mais quasiment familiers? Alors on connaît deux types de trous noirs. On connaît ce qu'on appelle de type stellaire, qui sont des cadavres d'étoiles très massives. Et donc c'est des trous noirs qui vont faire environ 5 fois la masse du Soleil jusqu'à... Les plus gros qu'on avait observés jusqu'à présent étaient de l'ordre de 35 fois la masse du Soleil. Donc c'est comparable à une étoile, parce que c'est un reste d'étoile. Et puis, pour des masses beaucoup plus élevées, on a ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs, qui font au moins 100 000 fois la masse du Soleil, et qui, eux, vivent au centre des galaxies. Donc, ces deux objets sont complètement différents, ont a priori des origines très différentes. Et puis au milieu, on a cette catégorie intermédiaire qu'on connaît beaucoup moins bien. C'est vaste, Nathalie Webb, entre 30 fois la masse du Soleil et 100 000 fois la masse du Soleil. Ça laisse tout de même un espace relativement conséquent pour ces trous noirs intermédiaires. Oui, tout à fait. Il se peut que certains des trous noirs de masse intermédiaire en ont une origine quand même dans les étoiles, mais peut-être les premières étoiles de l'univers qui se sont formées vraiment encore après le Big Bang. Et d'autres peut-être sont le résultat d'un effondrement de nuages de gaz aussi tout au début de l'univers quand il y avait principalement de l'hydrogène dans l'univers. Et donc là, on pourrait imaginer de former des trous noirs de masse intermédiaire un peu plus massifs, peut-être plus 1000 ou 10 000 fois la masse de notre Soleil. Mmh. Comment expliquer, Nathalie Webb, que pour les trous noirs stellaires, on va refaire quand même un petit point, comment se fait-il qu'on n'observe pas qu'il n'est pas possible? Est-ce qu'il y a des limites théoriques à la taille maximum des trous noirs stellaires? C'est-à-dire, on sait qu'on ne peut pas, que ça ne peut pas être au-delà de... Astrid Lambert disait 30-35 fois, mais mettons 50, 60 fois la masse du Soleil. Pourquoi ça ne peut pas être au-dessus de ça? Je préfère le passer à Astrid, alors. Elle est vraiment expert là-dedans. Alors, Astrid Lambert, sur cette question. Alors, les trous noirs de masse stellaire donc, se forment à la fin de la vie de l'étoile, après l'explosion de la supernova. Ce qui reste, c'est le trou noir. Et donc, ça, c'est le schéma qui fonctionne pour les étoiles qui font environ 20 fois plus que la masse du Soleil. Et par contre, pour les étoiles qui font environ une centaine de fois la masse du Soleil à la naissance, ce mécanisme ne va plus fonctionner. Ce qui se passe, c'est que les étoiles, plus une étoile est massive, plus elle est chaude en son cœur. C'est tout simplement parce que la masse de l'étoile fait une pression énorme dans le cœur de l'étoile et donc la température est élevée. Et la température de l'étoile va créer en fait de la lumière, il va y avoir émission de photons qui sont des particules de lumière dans le centre de l'étoile. Et ces particules servent en fait de pression. C'est celles qui permettent de soutenir l'étoile et de l'empêcher de s'effondrer. Or pour les étoiles très massives, qui sont donc très très chaudes, la lumière qui est émise au centre, c'est des rayons gamma, les rayons extrêmement énergétiques. Et la physique des particules nous apprend que quand deux rayons gamma se rencontrent, ils vont en fait s'annihiler mutuellement et créer d'un côté un électron et de l'autre côté un positron. Ça s'appelle une paire. Et matière-antimatière. Passe donc... Oui, exactement, matière-antimatière, parfaitement. Et donc, ce qui se passe, c'est que vos rayons gamma ont donc disparu. Donc, la pression au cœur de l'étoile a diminué, vu que les particules ne sont plus là pour soutenir l'étoile. Et donc, d'un coup... L'étoile va avoir en fait un emballement thermonucléaire, donc des réactions nucléaires en chaîne, et ça va complètement désintégrer l'étoile, et il ne restera plus rien. Et donc vous ne pouvez pas avoir de trou noir dans ce cas-là. Et donc on appelle ce phénomène le phénomène de supernova d'instabilité de paire, à cause de la création de paires, et ça explique qu'on n'aurait pas de trou noir entre environ 65 et une centaine de masses solaires. Mmh. On imagine que les étoiles extrêmement massives qui sont extrêmement rares, mais qui feraient 300 ou 400 fois la masse du Soleil à la naissance, pourraient éviter ce mécanisme, mais on n'a encore jamais vu d'étoiles aussi grosses. Et on va voir que ça va poser quelques soucis, puisque c'est précisément dans cette zone interdite, entre guillemets, que se situent les deux trous noirs que l'on a observés, qui coalescent vers un trou noir de taille intermédiaire, mais on y reviendra. Peut-être à ce moment-là, Nathalie Webb, un mot sur les trous noirs supermassifs. On est là vraiment très, très au-delà de ce qui peut être constitué par des étoiles et donc des trous noirs stellaires. Et sur les trous noirs supermassifs, pour le moment, là aussi, il y a pas mal de points d'interrogation. C'est ceux qui sont au centre des galaxies. C'est ceux qu'on a pu observer, d'ailleurs, le trou noir de M83, la première photographie, entre guillemets, d'un trou noir. Mais on ne sait pas beaucoup plus que ça, comment est-ce qu'ils ont pu se former. Exactement, oui. C'est un grand problème aujourd'hui. On ne sait pas comment se forment ces trous noirs supermassifs. Si on prend un trou noir de masse stellaire et en accrète, donc le trou noir avale de la matière tout au long de sa vie, au taux maximal qui est possible pour un trou noir, en fait, on n'arrive pas à avoir des trous noirs peut-être d'un milliard de masse solaire qu'on a observé dans notre univers. Donc, il y a un problème. On sait qu'ils ne peuvent pas forcément se former à partir des trous noirs de masse stellaire. Et c'est un peu pour ça qu'on est invoqué l'existence des trous noirs de masse intermédiaire qui pourront être à l'origine des trous noirs supermassifs. Et pour ça, il faut trouver des trous noirs de masse intermédiaire afin de valider cette théorie. Mmh, et ben c'est justement ce qui vient d'être fait, GW190521. Comment passe-t-on des ondes gravitationnelles à la déduction de l'existence d'un trou noir intermédiaire, hein, parce que vous allez voir que ce sont des lectures, comme l'a dit tout à l'heure Astrid Nambertz, assez fines, hein, sur un signal extrêmement bref. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien cette question, celle que vous êtes allé poser à des scientifiques qui travaillent sur l'interféromètre européen Virgo. Et oui, la question elle peut sembler naïve pour les spécialistes, mais au fond, comment ce signal infime peut-il voyager pendant 7 milliards d'années, être détecté et interprété de façon certaine comme étant la preuve irréfutable de l'existence des trous noirs de masse intermédiaire? Je l'ai posé cette question à Matteo Barsulia, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université de Paris. Il est par ailleurs responsable pour la France du projet Virgo. Il nous détaille le fonctionnement des interféromètres qui servent de détecteurs d'ondes gravitationnelles et, une fois le signal détecté, en quoi consiste le travail d'interprétation qui mène à la découverte. Alors avant de parler des détecteurs, il faut rappeler que les ondes gravitationnelles se manifestent comme une variation de distance entre les points. Pour les détecter, nous utilisons des instruments en forme de L de plusieurs kilomètres, donc les interféromètres. Dans ces détecteurs, il y a deux faisceaux lumineux. Les faisceaux lumineux traversent des bras perpendiculaires. Ils sont réfléchis par des miroirs et ils se recombinent. L'onde gravitationnelle, à son passage, produit un changement asymétrique des longueurs des deux bras. Et donc, les faisceaux lumineux se retrouvent déphasés à cause du passage de l'onde. Alors, il faut rappeler ici que la lumière est une onde électromagnétique. Donc, le déphasage des deux faisceaux se traduit un changement de puissance lumineuse à la sortie du détecteur. Donc, en détectant ce petit changement de puissance lumineuse, nous pouvons détecter le passage de l'onde gravitationnelle. La difficulté de cette mesure est due à l'amplitude extrêmement faible de l'onde gravitationnelle. Donc, l'étirement de l'espace provoqué par une source réaliste de l'ordre de 1 milliardième de mètre sur 3 km. Et donc, pour détecter l'onde gravitationnelle, il faut réduire tous les bruits qui peuvent perturber la mesure. Qu'est-ce qui a été détecté récemment par ce détecteur d'ondes gravitationnelles en lien avec les trous noirs de masse intermédiaire? Alors, le 21 mai 2019, les deux détecteurs LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe ont détecté la fusion de deux trous noirs, un trou noir de 66 masses solaires, un trou noir de 85 masses solaires, et le trou noir final est un trou noir de 142 masses solaires. Donc, c'est un trou noir de masse intermédiaire. Alors, une fois effectué le traitement du signal, nous pouvons visualiser quelque chose qui est composé par quelques oscillations. Et donc, c'est à partir de ce signal que nous arrivons à la conclusion qu'il s'agit de la fusion de ces trous noirs. À partir de la forme de ce signal, nous pouvons mesurer les masses des trous noirs qui ont fusionné et la masse du trou noir final. Pour faire cela, nous comparons le signal avec des modèles théoriques, donc des formes de l'onde gravitationnelle produites grâce à des calculs, donc à la résolution des équations d'Einstein de la relativité générale. Là, vous avez préparé un peu des documents de travail, des documents qui mettent en évidence ces variations de signal. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu ces documents-là? Ici, nous avons le signal, les données qui sont comparées au signal reconstruit par nos chaînes, nos algorithmes d'analyse. Donc, nous voyons que le signal observé, les données sont compatibles avec quelques oscillations qui représentent donc la fusion de ces deux trous noirs. Le signal est très court et donc la fréquence où le signal est plus grand est environ 60 Hz. Il faut dire que la durée avec laquelle on observe le signal dans ce type de détecteur est inversement proportionnelle à la masse totale du système. Donc ici, nous avons un système beaucoup plus massif que les systèmes observés avant. Et donc, le signal est plus court. Donc, nous l'observons pendant moins de temps. Et la fréquence aussi à laquelle il y a la fusion donc, est plus faible. Donc ici, nous avons une fréquence de 60 Hz. Alors que, par exemple, pour la première fusion de trous noirs observée, le 14 septembre 2015, la fréquence de la fusion était environ 150 Hz. C'est vraiment de l'interprétation de ces variations de fréquence qui nous permettent d'identifier la nature des trous noirs qui sont présents. Oui, à partir de la fréquence et la variation de la fréquence, à partir d'une analyse de la forme de l'onde gravitationnelle, nous pouvons reconstruire les paramètres du système. Et donc, par exemple, les masses des trous noirs qui ont fusionné et la masse du trou noir final. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans un futur plus ou moins proche, à détecter d'autres signaux témoignant de la présence d'un trou noir de masse intermédiaire avec les expériences LIGO et Virgo ? Oui, les détecteurs LIGO et Virgo sont en train d'être améliorés. Dans les prochaines années, nous effectuerons d'autres prises de données. La prochaine sera en 2022. Alterné à des améliorations. Donc, nous aurons, avec une sensibilité plus grande, la possibilité de voir des sources plus lointaines. Et donc, puisque notre horizon va s'élargir, nous observerons plus de sources. À plus long terme, nous travaillons à la suite de Virgo avec un projet qui s'appelle Einstein Telescope, avec une sensibilité 10 fois plus grande que Virgo. Et l'ESA prévoit de lancer un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace qui s'appelle LISA. Voilà, on rediscutera tout à l'heure de ces futurs interféromètres et notamment de LISA. Juste peut-être un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre, Astrid Lambertz. C'est amusant d'entendre ses collègues comme ça. c'est effectivement une détection épatante. Et ce qu'il a dit sur la difficulté de l'analyse du signal qui est très court, c'est absolument vrai. Pendant un long moment, au sein de la collaboration, il a fallu se convaincre nous-mêmes qu'effectivement c'était une vraie détection et comprendre ce que c'était. Et on ne le voit pas maintenant qu'on a une analyse qui est terminée et qu'on a un résultat, mais je trouve que c'est important à souligner. Nathalie Webb, sur ce reportage et sur effectivement la difficulté de la détection, peut-être aussi un mot sur le fait que ces interféromètres ne cessent d'être améliorés, et c'est ces améliorations qui ont rendu possible la détection de ce trou noir intermédiaire. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on vient de finir les observations du troisième jeu de données qu'on avait pris avec LIGO. Et là, on a vu une grande amélioration depuis la première fois qu'on a détecté des ondes gravitationnelles. On a travaillé énormément pour y arriver, d'avoir ces types de détections tellement sensibles et jusqu'à des distances qui sont vraiment extraordinaires. Mmh. Alors, on va continuer à discuter de ce trou noir intermédiaire. Peut-être un mot aussi, Astrid Lambertz, vous qui travaillez sur, qui collaborez à Virgo, sur le fait que ces interféromètres, on en discutera, hein, mais ils ont été améliorés de plus en plus. On parle d'ailleurs d'Advanced LIGO, d'Advanced Virgo, et il y a encore des données qui n'ont pas tout à fait été exploitées. Ça veut dire que potentiellement, vous avez sous le coude d'autres données, d'autres observations qui pourraient venir enrichir un peu ce bestiaire unique de trous noirs intermédiaires ? Oui, absolument. C'est-à-dire que la phase d'observation qu'on appelle O3, donc la troisième étape d'observation, s'est terminée en fin mars cette année. Et donc, la collaboration a déjà annoncé 4 détections, dont la dernière qui vient d'être annoncée, c'est donc celle dont on parle ici. Mais on est actuellement en train d'analyser l'ensemble des données. Et donc, pendant les observations, on produisait des alertes qui étaient publiques. Et le nombre d'alertes publiques, c'est plus d'une soixantaine. Donc, vous pouvez imaginer que parmi ces soixantaines, il va y avoir encore beaucoup de choses à publier dans les prochains mois. Mmh. Eh ben, on va suivre ça avec attention. Et puis, maintenant, on va s'intéresser vraiment à la nature de ce GW190521. On va voir qu'il permet de poser un certain nombre de questions, des questions qui n'ont pas toujours de réponse, mais qui nous permettent de nous faire des nœuds au cerveau assez intéressants. Thank you. in disguises no one knows. Hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, 'neath the black the sky looks day. Call my name through the crane, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warmth with tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for slaves. In my shoes, walking slim, in my soul I pray to keep. Heaven sent hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come? Ba ba ba ba ba, wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black Hole Sun, non pas par Soundgarden, mais par Hayley Reinhardt Scott Bradley's Postmodern Jukebox à 16h32 sur France Culture. Puisque nous parlons de trous noirs et d'une population de trous noirs particulière, l'annonce a été faite le 2 septembre. C'est une annonce importante dans le milieu de l'astrophysique, puisqu'on attendait ces trous noirs de taille intermédiaire qui étaient prévus par la théorie, mais que l'on n'avait jusqu'à présent pas observé. C'est maintenant chose faite. Nous en parlons avec Astrid Lambert, qui est chargée de recherche à l'Observatoire Nice-Côte d'Azur et membre de la collaboration Virgo, et Nathalie Webb, qui est astronome à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie à Toulouse. Alors, une première question, tout de même, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, Astrid Lambert, les deux trous noirs observés qui donnent lieu, donc dont la connaissance donne lieu à ce trou noir intermédiaire de 142 masses solaires, ils faisaient 65 et 85. Or, vous nous avez expliqué il y a tout à l'heure, pas très longtemps, que bien au-delà de 50-60 masses solaires, c'était a priori impossible. C'est-à-dire qu'on a déjà deux objets qui sont eux-mêmes des objets qui ne sont pas tout à fait prévus par la théorie. Comment est-ce qu'on explique ça ? Justement, c'est une bonne question. Alors, 65 masses solaires, on peut peut-être, disons, en poussant un peu les limites de notre théorie, on pourrait peut-être arriver à l'expliquer avec de la physique stellaire telle qu'on la connaît. 85, c'est compliqué. Une des hypothèses qu'on a, c'est que ce trou noir soit déjà un trou noir qu'on appelle de seconde génération, et qu'il est donc issu de la fusion de deux trous noirs, qui ferait chacun 40 masses solaires, mettons, parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà observées. Donc, on peut imaginer qu'on soit ici dans une situation où on a affaire à des trous noirs de seconde génération, et c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans ce qu'on appelle les zones stellaires denses, donc les amas d'étoiles, où vous avez énormément d'étoiles dans une région très petite, et donc ces étoiles vont faire des trous noirs. Vous avez beaucoup de trous noirs dans une région très petite, et donc il va y avoir des coalescences un peu en chaîne, et donc on peut imaginer que ces trous noirs viennent de là, par exemple. Nathalie Webb, les hypothèses, vous avez d'autres hypothèses ou des hypothèses complémentaires par rapport à ce que vient de dire Astrid Lambert ? Non, je crois que c'est tout à fait possible que ce trou noir de forte masse là ait été formé par la coalescence d'autres trous noirs auparavant, notamment soit dans les amas d'étoiles, donc ce qu'on appelle les amas globulaires, ou peut-être au centre des galaxies, là aussi on a une forte densité d'étoiles. Mmh. Il y a une autre possibilité que c'était un trou noir primordial, hein, c'est-à-dire un trou noir qui a été formé tout au début de l'univers, il y a la surdensité et qui peuvent s'effondrer pour créer des trous noirs, mais c'est moins probable. Là, peut-être, Nathalie Webb, il faut nous expliquer, parce que ça va être intéressant pour la suite de notre discussion. On entend aussi beaucoup parler de ces trous noirs primordiaux à plein d'égards et pourraient effectivement avoir des tailles exotiques eux aussi, parce que comme ils sont très vieux, ils auraient pu, entre autres, s'évaporer en partie si on suit la théorie de l'évaporation de Hawking. C'est de quoi on parle quand on parle d'un trou noir primordial ? Oui, effectivement, ces trous noirs qu'on pourrait observer aujourd'hui seront assez massifs, hein, parce que effectivement, si on crée un trou noir primordial au début de l'univers, il pourrait avoir effectivement évaporé par l'émission Hawking. Voilà, c'est d'accord. Probablement, ouais, on pourrait créer ces types de trous noirs, mais je crois que c'est plus probable soit parce qu'on comprend pas tout à fait l'évolution stellaire ou parce qu'on a eu la coalescence de deux trous noirs auparavant. Mmh. Astrid Omers, on connaît aussi aujourd'hui, on a des renseignements sur l'environnement cosmologique de ces deux trous noirs qui ont coalescé ? Pas vraiment, non, parce que la difficulté, c'est qu'avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles, il est en fait assez difficile de localiser l'origine du signal. Donc sur la carte du ciel, on a une très grande incertitude. Donc pour nous, on ne peut pas dire que ça vient de telle galaxie qui aurait telle propriété. Malheureusement, pour ça, souvent, il nous faut une contrepartie électromagnétique pour laquelle on n'a pas de certitude ici. Donc à part la distance, c'est assez qui nous donne une certaine information. On ne sait pas dans quelles conditions ces trous noirs se sont formés, non. Est-ce qu'il peut y avoir des moyens, puisque l'on sait, ou est-ce que maintenant c'est beaucoup trop loin, puisqu'on a dit qu'a priori, si l'événement que l'on a détecté s'est passé il y a 7 milliards d'années aujourd'hui, ce trou noir se situe très très très très loin, hein, je le répète, parce qu'il y a un auditeur qui nous a dit qu'il avait eu du mal à concevoir ça, à comprendre que ce trou noir puisse être à 17 milliards d'années lumière de nous, mais c'est normal, parce que c'est l'extension de l'univers, hein, encore une fois, l'univers qui n'a que 13,6 ou 8 milliards d'années, eh bien, grâce à l'extension, il y a des objets qui peuvent se trouver au-delà de cette limite-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Nathalie Webb, peut-être un mot là-dessus pour... Ah oui, pardon, excuse-moi, non, c'est Astrid Lambert que je voulais demander ça. Du coup, est-ce qu'il serait possible éventuellement de pointer un télescope quelque part pour aller regarder un peu à l'endroit pour essayer de distinguer, de trouver ce fameux trou noir, ou est-ce que c'est totalement impossible ? À l'heure actuelle, c'est totalement impossible. C'est-à-dire que la zone sur laquelle il faudrait regarder dans le ciel est beaucoup trop grande pour que, même si tous les télescopes du monde s'y mettaient, on puisse espérer trouver quelque chose. Néanmoins, il y a une collaboration américaine, ZTF, pour Zwicky Transient Factory, qui a détecté une contrepartie électromagnétique qui pourrait correspondre ou pas à la détection d'ondes gravitationnelles. Et donc, si jamais leur détection correspond à la détection d'ondes gravitationnelles, ce qu'on ne sait pas encore, à ce moment-là, vu qu'on a une contrepartie électromagnétique, on peut évidemment aller chercher la galaxie et dire « Ah oui, c'est plutôt une grande galaxie avec telle propriété ou une petite ». Et ça nous permet de savoir un peu comment les étoiles ont évolué, ce qui pourrait nous renseigner sur les conditions de formation de ces trous noirs. Mais pour l'instant, on n'a pas cette information et c'est probable qu'on ne l'aura pas. Alors, sur ces trous noirs intermédiaires, donc c'est a priori cette observation via les ondes gravitationnelles la première preuve directe de leur existence. Néanmoins, Nathalie Webb, vous avez travaillé aussi sur ces trous noirs intermédiaires avec d'autres modes de détection, et notamment sur un objet qui s'appelle HLX1 qui a été identifié en 2008. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Donc, HLX1 a été détecté à travers son rayonnement rayon X. Donc, le rayon X, c'est ce qu'on utilise pour passer la radio à l'hôpital. Et en fait, là, on a de la matière qui tombe sur ce trou noir, donc ça rayonne fortement dans le domaine des rayons X. Donc, on a découvert cet objet qui fait des très grands sursauts parce que périodiquement, il y a une étoile qui passe à côté et que le trou noir arrache de la matière de cette étoile. Et donc, la matière de l'étoile tombe sur le trou noir et on voit périodiquement l'émission qui est très importante en rayons X. Et quelle taille il fait ce trou noir-là, HLX1 ? Donc, HDX5 est beaucoup plus massif. Donc, on est autour de 20 000 fois la masse de notre Soleil. Mmh. Mais ce n'est pas encore assez massif pour être considéré comme un trou noir supermassif. Pas du tout, non. Non. Mmh. C'est la première trou noir dans la gamme qui tient la route. On a eu fait beaucoup d'observations dans toutes les longueurs d'onde jusqu'à là. Et chaque observation jusqu'à là a validé l'idée que c'est vraiment un trou noir de masse intermédiaire autour d'une vingtaine de milliers de masses solaires. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de doute possible sur la nature de cet objet, ou est-ce que c'est encore soumis à interprétation? Je pense que c'est validé par la plupart de la communauté. Je crois que la plupart des personnes pensent vraiment que c'est un trou noir de masse intermédiaire. Mmh. On a quelques autres exemples qui sont vraiment beaucoup moins solides, mais c'est un très bon exemple d'un trou noir de masse intermédiaire. Mmh. Peut-être un mot, Astrid Lambert, sur HLX1. Ça veut dire qu'en fait, alors HLX1, on n'a pas encore la preuve formelle, même s'il y a un consensus scientifique. Là, pour le coup, pour GW190521, on est absolument sûr de l'objet auquel ça correspond. Effectivement, c'est un bon résumé. Enfin, HLX1, c'est effectivement, quand on pense trou noir de masse intermédiaire, jusqu'à il y a quelques mois, c'était l'exemple auquel on pensait. Ce qui est intéressant, c'est que HLX1, c'est la limite haute des trous noirs de masse intermédiaire en termes de masse, et 190521, c'est la limite basse. Et entre les deux, il reste encore énormément de choses à explorer, en fait. Mmh. Alors justement, peut-être, est-ce qu'on peut comparer les deux, d'ailleurs, en dehors de leur masse? Est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on a d'autres éléments qui pourraient dire ce que l'un est ou ce que l'autre n'est pas? Est-ce qu'ils ont des points communs, ou est-ce que c'est vrai, on dispose d'informations aujourd'hui trop fragmentaires pour pouvoir procéder à ce type de comparaison, Astrid Lambert? Pour moi, j'ai du mal à imaginer que ce soit deux objets du même style. Moi, je travaille avec de la physique stellaire, 20 000 masse solaire, pour moi, c'est trop éloigné de ce que je connais. Pour moi, ça s'approche plus des trous noirs qui seraient au centre d'une galaxie. Nathalie pourra évidemment me corriger. Mais pour moi, j'ai du mal à imaginer que c'est la même chose. Mmh. Nathalie Webb, votre sentiment? Oui, je pense que c'est plus probable que HLX1 ait été formé à travers l'effondrement de nuages de gaz d'hydrogène assez tôt dans l'univers, je dirais. Néanmoins, on pourrait aussi imaginer une situation qu'un trou noir de masse stellaire a subi pas mal de mergeurs et aussi accrété pas mal de matière, et on pourrait quand même arriver avec cette masse de 20 000 fois la masse de notre Soleil. Donc, il y a toujours la possibilité, mais effectivement, je crois que c'est plus probable que HLX1 s'est formé d'une autre façon. Mmh. Alors, parlons un peu maintenant des hypothèses. Vous les avez évoquées rapidement, Nathalie Webb, au début de cette émission, mais on va revenir un peu là-dessus. Donc, on l'a dit, les trous noirs stellaires, de masse stellaire, on sait comment ça marche, hein, c'est une étoile qui s'effondre. Les trous noirs supermassifs, on sait pas très bien, mais en tout cas, on sait où les trouver. Les trous noirs intermédiaires, on sait pas très bien comment c'est déformé, et on sait pas très bien où les trouver. Quelles sont les hypothèses aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a une limite physique aux trous noirs de masse stellaire, Astrid Lambert, préside à la création, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'état actuel de nos connaissances sur la création de ces fameux trous noirs intermédiaires? Alors, dans la limite basse des masses, pour les autour d'une centaine ou 1000 masses solaires, on peut imaginer des extensions de la physique stellaire, on va dire, ou soit on peut imaginer qu'on soit dans des amas denses où on a des générations successives de coalescences qui font qu'en partant avec des trous noirs de 40 masses solaires, on puisse arriver à 100, puis 200 et des choses comme ça. On peut aussi imaginer des étoiles très massives à l'origine, soit dans l'univers primordial, soit dans certaines galaxies où on arrive encore à former des étoiles très massives et qui s'effondrent, mais qui ne sont pas soumises à cette supernova d'instabilité de paire et qui peuvent donc faire des trous noirs de 100 fois la masse du Soleil. On rappelle que les supernovas d'instabilité de paire, c'est des supernovas qui ne s'effondrent pas en trous noirs parce que les étoiles sont a priori trop massives et qu'on arrive du coup à une forme de création de particules antiparticules qui empêchent l'effondrement en trous noirs. C'est bien ça, hein? C'est ça, absolument. C'est à peu près résumé. Bon, à la louche, mais c'est à peu près ça l'idée. Ouais. C'est ça. Mmh. Et donc, c'est une des prédictions de la physique stellaire actuelle. Et donc, pour aller au-delà de cette limite, il faut effectivement étendre un peu ce qu'on connaît. Mais j'imagine que jusqu'à quelques centaines de masses solaires, on peut y arriver. Au-delà, il faut effectivement envisager soit des modèles d'effondrement d'un nuage moléculaire en un seul morceau. Parce que normalement, les étoiles massives se forment en groupe à partir d'un nuage qui se fragmente en petits morceaux et chaque petit morceau forme une étoile. Et donc là, on pourrait s'imaginer par je ne sais quel mécanisme qu'au lieu de former plusieurs étoiles, on en forme une très grosse. Et puis peut-être qu'à l'extrémité des masses, autour de 10 000 ou 100 000 fois la masse du Soleil, c'est peut-être des trous noirs qui sont au centre de galaxies, mais de galaxies toutes petites, où le trou noir du coup resterait petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière qui lui permette de grossir. Moi, j'imagine plutôt que suivant les masses des trous noirs de masse intermédiaire, on a des origines possiblement différentes. Moi, je le vois comme ça. Nathalie Webb, vous le voyez comment, vous ? J'adhère à tout ce que Astrid a dit. Effectivement, il est possibilité d'essayer de déterminer l'origine des trous noirs de masse intermédiaire si on pourrait détecter un grand échantillon de ces trous noirs de masse intermédiaire. Effectivement, si on regarde dans les petites galaxies, ce qu'on appelle les galaxies naines, on attend de voir un trou noir qui est moins massif que des trous noirs supermassifs au centre des galaxies massives, parce qu'on voit qu'il y a en fait une corrélation entre la masse d'une galaxie et la masse de trou noir au centre. On cherche principalement dans les galaxies naines, c'est de trouver ces trous noirs de masse intermédiaire. Et on sait que si on pourrait déterminer la masse de ces trous noirs qui ont accrété effectivement très peu de matière, parce qu'il y a très peu de matière dans ces galaxies naines, on pourrait distinguer entre les origines, donc soit à partir d'une étoile massive, disons une centaine de masses solaires, qui est peut-être donné un trou noir tout au début de l'univers, ou sinon c'est l'effondrement de nuages d'hydrogène. C'est intéressant cette hypothèse de l'effondrement de très lourds nuages de gaz moléculaires, Astrid Lambert, c'est-à-dire qu'on imagine qu'en fait on pourrait passer en quelque sorte la phase d'allumage de l'étoile et que d'un seul coup ces nuages arrivent à des formes d'effondrement gravitationnel tellement intenses que ça crée d'un seul coup ces trous noirs, mais alors plutôt de la limite basse hein, des trous noirs intermédiaires, c'est-à-dire de quelques centaines de masses solaires tout au plus. Alors, dans ce mécanisme, on peut, si par exemple on se place dans l'univers primordial où on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium, la physique et la chimie sont très différentes. Et ça va influencer les moyens de refroidissement du gaz qui, lui, est directement responsable de la fragmentation, justement. Et donc, il y a des modèles, il y a des gens qui font des simulations numériques dans lesquelles ils arrivent à faire des sortes de proto-étoiles de l'ordre de 1000 fois la masse du Soleil, mais composées seulement d'hydrogène et d'hélium. Donc, ça n'existerait plus aujourd'hui, mais il est possible que ça ait existé il y a très longtemps. Mmh. Et j'ai lu aussi qu'on parle d'étoiles de population 3. De quoi il s'agit exactement, Astrid Lambert, et pourquoi d'ailleurs ces étoiles-là ne seront certainement jamais observées? Alors, c'est les étoiles de population 3, en fait, c'est exactement celles que je viens de vous décrire. Mmh. C'est celles qui sont issues de l'univers primordial où aucun processus d'enrichissement nucléaire par les étoiles précédentes n'a pu se faire. Donc, c'est vraiment les toutes premières étoiles. Pour l'instant, on ne peut pas les observer. On peut espérer qu'avec des télescopes du futur, comme par exemple le James Webb Space Telescope, c'est un de ses espoirs, c'est éventuellement d'aller détecter ces toutes premières étoiles. Mmh. Oui, et l'idée surtout, c'est que ces étoiles-là, donc très, très non métalliques, quasiment pas, avec que de l'hélium et de l'hydrogène, finalement, se seraient allumées l'espace d'un instant extrêmement bref, c'est-à-dire quelques centaines de milliers, peut-être un million d'années, avant de s'effondrer immédiatement. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction thermonucléaire qui va commencer à produire des éléments lourds. Alors, ces étoiles, effectivement, vivraient très peu de temps, parce que plus une étoile est massive, moins elle vit longtemps. Alors, je suis pas experte, mais l'idée c'est quand même qu'à l'intérieur il se produit des réactions nucléaires parce qu'il va faire extrêmement chaud au cœur, donc les réactions nucléaires vont se faire. Et donc c'est ces premières étoiles qui vont faire produire des premiers éléments lourds comme du carbone et de l'oxygène. Et l'explosion finale de ces étoiles va les diffuser dans l'univers. Et c'est pour ça que les étoiles suivantes auront du carbone et de l'oxygène et seront donc différentes. Nathalie Webb, à ce propos peut-être sur cette hypothèse de ces étoiles de population 3? Oui, je suis tout à fait d'accord que ces étoiles de population noire pourront bien être à l'origine, surtout les trous noirs supermassifs qu'on observe aujourd'hui, parce que, ouais, effectivement, ils peuvent être plus massifs. Ils vont être peut-être dans un milieu assez dense, il n'y a pas beaucoup de matière tout autour, donc le trou noir peut accréter énormément de matière au cours de sa vie et arriver avec les très très grandes masses qu'on observe aujourd'hui. Mmh. Alors, parmi les autres hypothèses un peu exotiques et je dois dire assez passionnantes, il y a la question de se dire que la matière noire pourrait avoir un rôle dans la création de ces trous noirs intermédiaires et notamment que la matière noire en halo serait un préalable à la formation des trous noirs intermédiaires et supermassifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que évidemment, ajouter dans l'équation une matière qui est une matière putative dont on ne sait pas ce qu'elle est, qui n'a jamais été observée mais qui est nécessaire au modèle cosmologique standard, évidemment c'est très excitant et en même temps c'est parfois pas forcément très facilement compréhensible, Astrid Lambertz. Alors, vous touchez un peu ici à la limite de mon expertise, mais dans l'univers très jeune, l'essentiel de l'évolution de l'univers est dominé par l'évolution gravitationnelle de la matière. Et dans la matière, l'essentiel de la matière, c'est en fait de la matière noire. Et donc, c'est elle qui va s'effondrer et la matière baryonique, donc le gaz et tout le reste, va la suivre. Donc on peut effectivement imaginer que ce soit d'abord une sorte de boule de matière noire qui se crée et qui crée en partie le trou noir avec ou sans de la matière ordinaire. Effectivement, il y a des hypothèses comme ça. Nathalie Webb, à ce propos? Je crois que c'est à peu près tout ce que vous voulez, là, dessus, en fait, oui. C'est ça. C'est effectivement assez putatif et assez spéculatif, mais c'est assez intéressant. Ça veut dire aujourd'hui que, si je résume bien Nathalie Webb, ces trous noirs intermédiaires seraient de toute façon tous liés peu ou prou à l'univers jeune, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'en formeraient quasiment plus aujourd'hui. On vient d'avoir des observations qui montrent que oui, on peut former un trou noir de masse intermédiaire aujourd'hui, on vient de l'observer. L'origine des trous noirs de masse intermédiaire, oui, effectivement, c'est principalement dans l'univers très très jeune. Mais effectivement, à travers la coalescence de plusieurs trous noirs, oui, on pourrait facilement commencer de former les trous noirs de masse intermédiaire aujourd'hui. D'accord, mais par coalescence, ce que je veux dire, c'est que ces hypothèses autour des étoiles de population 3, autour de l'effondrement de ces premiers nuages de gaz moléculaire d'hydrogène et d'hélium, a priori, c'est surtout des trous noirs qui se seraient formés initialement dans l'univers jeune. Oui, pour moi, oui, c'est le plus probable, oui. Astrid Lambertz, sur cette hypothèse. Oui, absolument. Même les trous noirs de masse presque stellaire qu'on a observé ici, la coalescence a eu lieu il y a 7 milliards d'années, ça veut dire que l'univers avait 7 milliards d'années. Ce n'est pas l'univers primordial, mais c'est un univers qui était quand même très différent de ce qu'on connaît maintenant et qu'on peut encore considérer un peu jeune. Donc c'est différent. De toute façon des conditions différentes de celles qu'on a actuellement. Très différent, comment ça, il y a 7 milliards d'années? Donc il y a 7 milliards d'années, de manière générale, l'univers formait beaucoup plus activement les étoiles. À l'heure actuelle, finalement, très peu d'étoiles sont encore en formation. Tout le gaz a été épuisé. Donc, avant, il y avait beaucoup plus d'étoiles qui se formaient, ce qui peut aussi expliquer pourquoi on avait beaucoup plus d'étoiles massives et de phénomènes extrêmes qui peuvent mener au trou noir qu'on voit. Ça, c'est donc jusqu'à présent. On attend évidemment d'autres informations liées à LIGO et Virgo. On peut aussi ajouter qu'il y a un nouvel interféromètre enterré maintenant qui va aussi apporter des nouvelles informations. Nathalie Webb, l'interféromètre Kagra, qui est un interféromètre japonais. Qu'est-ce qu'il peut apporter en plus comme connaissance, cet interféromètre, par rapport à LIGO et Virgo? Je crois que la première chose qui est la plus importante pour Kagra, c'est qu'avec quatre détecteurs, donc les deux qui sont LIGO, un qui est Virgo et un autre détecteur qui est Kagra, on pourrait avoir une localisation des événements ondes gravitationnelles qui est beaucoup plus précise. C'est-à-dire qu'on pourrait plus facilement essayer de trouver une contrepartie électromagnétique de ces événements d'ondes gravitationnelles. Et donc, découvrir beaucoup plus sur l'événement et aussi sur le lieu où il se passait aussi. Astrid Lambert, sur l'ajout de Kagra, je crois que Kagra fonctionne déjà sur O3B, c'est-à-dire sur la dernière partie, sur la dernière campagne Ligo Virgo. Il y a déjà un ajout d'observation grâce à Kagra. Donc c'est grâce à cette précision supplémentaire qu'on devrait certainement se dire que, comme on a découvert les premières ondes gravitationnelles et que maintenant c'est quelque chose de commun, des trous noirs intermédiaires, on va en trouver toute une population et que ça va nous aider bien à affiner un peu les hypothèses qu'on a vues au cours de 7 heures. Alors, je tiens à préciser qu'effectivement, Kagra a rejoint la collaboration en toute fin des observations, mais c'était à une sensibilité beaucoup plus basse que les trois autres détecteurs, et donc ils ont rejoint, on va dire, pour la forme, mais ils D'accord. n'ont pas contribué aux détections. Ils seront là pour les prochaines observations, et effectivement, l'intérêt principal, c'est une meilleure localisation. Le deuxième intérêt, c'est que quand on a quatre détecteurs, la probabilité d'en avoir au moins deux en fonctionnement est plus élevée que quand on en a trois. Et l'aspect des coïncidences est important pour nous. Et parfois, ça peut manquer quand on n'a que trois détecteurs et parfois un ou deux est éteint. Mmh. Alors pour la suite, donc on espère détecter des nouveaux systèmes de ce type. Et avec cette première détection, on a pu mesurer un taux de coalescence et donc il nous laisse à penser que pendant les prochaines observations, on en aura d'autres. Cependant, on va avoir du mal à observer des trous noirs beaucoup plus massifs. Par exemple, 1000 ou 10 000 masses solaires, ça va être très compliqué avec LIGO et Virgo parce qu'on va devoir, ces coalescences auront lieu à des fréquences plus basses où les détecteurs sont tout simplement beaucoup moins performants. Donc on sera un peu à la limite du détecteur. Et ça, c'est en attendant la suite. La suite, c'est l'Einstein télescope et puis surtout LISA, c'est-à-dire l'interféromètre dans l'espace, dont le lancement est prévu en 2034. Einstein télescope puis LISA. Quel est le type de regard que l'on va pouvoir porter justement sur ces coalescences multiples et variées, puisqu'il n'y a pas que les trous noirs intermédiaires dans la vie, Astrid Lambert? Non, c'est vrai, il n'y a pas que les trous noirs intermédiaires. Donc, Einstein télescope, c'est, pour simplifier, c'est une version très améliorée de LIGO et Virgo, mais grosso modo, on va observer aux mêmes fréquences et aller observer des objets similaires, donc jusqu'à 500 fois la masse du Soleil, et puis on aura évidemment aussi les étoiles à neutrons et ce genre de choses. On devrait pouvoir observer toutes les coalescences de trous noirs dans tout l'univers. Donc ça sera une coalescence tous les quarts d'heure environ. Mmh. Alors qu'avec LISA, donc c'est un détecteur qui sera dans l'espace. Ce sera trois satellites qui vont voler en formation. Là, on va regarder à beaucoup plus basse fréquence. Et donc, qui dit plus basse fréquence dit des masses beaucoup plus élevées. Et donc, on va pouvoir accéder justement à ces trous noirs qui font 1000, 10 000, 100 000 fois la masse du Soleil jusqu'à, et on pourra observer jusqu'à l'univers assez jeune. Et donc, un des objectifs scientifiques de LISA, c'est justement de comprendre les fusions des trous noirs de différentes tailles au cours de l'histoire de l'univers pour essayer d'expliquer l'origine des trous noirs supermassifs et leur connexion aux trous noirs de masse intermédiaire. Eh bien, on suivra évidemment ça, si la méthode scientifique est encore là en 2034, bien entendu, avec passion. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Nathalie Webb, merci Astrid Lambert d'être venue nous parler de ces trous noirs intermédiaires. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, François Mardi, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Dettel à la technique. Demain, nous parlerons d'une autre grosse machine, même en l'occurrence la plus grosse de son genre, à vrai dire, depuis qu'elle a été mise à jour, depuis qu'elle a été upgradée. Nous parlerons de l'ESRF, l'European Synchrotron Radiation Facility, le synchrotron qui vient d'être remis en fonction à Grenoble et qui pourrait aider, y compris dans la recherche sur le Covid. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.